est le pire. Vouloir chanter rien que pour le plaisir. Écouter, peut-être même sourire. Sur les planches, sous les lumières blanches. Imaginez ce que peut être ta vie. Sans penser à plonger dans l'oubli. Sans penser à plonger dans l'eau.